Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La langue est une arme dans laquelle les mots sont des munitions et les figures de style de l'artillerie lourde. C'est le cas avec les oxymores. Quand deux mots contradictoires sont alliés, c'est l'obscure clarté évoquée par Corneille dans le Cid. Ce sont les splendeurs invisibles de Rimbaud. C'est la boucherie héroïque de Voltaire dans Candide. La guerre s'arrange bien des oxymores quand il est question de frappes chirurgicales, de guerre propre, de guerre humanitaire ou encore de guerre enfantine. En 1923, le jeune Raymond Radiguet publie un livre sublime, Le diable au corps, dans lequel il raconte son amour alors qu'il n'a que 14 ans avec Alice. Alice, dont le mari est au front, dans les tranchées. Dans les premières lignes du livre, Radiguet explique ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons. 4 ans de grandes vacances. 4 ans de vacances de 1914 à 1918 et un sublime scandale, la guerre festive, terrible oxymore, tout comme la guerre enfantine, oxymore où des enfants se font oxyre. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, quel nouveau regard sur la Première Guerre mondiale. Hier, sans cliché, nous parlions des images de la Première Guerre mondiale, des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire avec ces 28 derniers jours. Plus 22 000% de participation. C'est conséquent. Aujourd'hui, les enfants dans la guerre, l'expérience enfantine du premier conflit mondial entre désir de guerre et propagande. Qui étaient ces enfants dans la guerre? Pour nous en parler, Manon Pignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie Jules Verne. Vous êtes l'auteur de L'appel de la guerre des adolescents au combat 1914-1918 aux éditions Anamosa. Ces enfants dans la guerre, un sujet déjà étudié, parce que c'est un sujet qui frappe enfants, guerre, quelque chose de troublant. C'est un sujet neuf ou un sujet qu'il faut défricher avec un regard neuf? Alors, c'est pas un sujet complètement neuf, dans la mesure où il y a déjà eu plusieurs ouvrages. Pour le cas français, le premier étant celui de Stéphane Audouin-Rouzeau qui s'appelait « La guerre des enfants » qui est paru en 1993, qui s'intéressait à ce que nous appelons la culture de guerre, c'est-à-dire au discours de mobilisation forgé pendant le conflit à destination des enfants. Et puis il se trouve que Stéphane Audouin-Rouzeau est mon bon maître, donc dans son sillage et dans sa lignée, j'ai travaillé à mon tour sur les enfants, sur les expériences de guerre enfantine, c'est-à-dire notamment le point de départ, c'était comment ces discours de mobilisation étaient reçus, étaient-ils efficaces ou non. Et donc j'ai travaillé là-dessus il y a une dizaine d'années et j'ai décidé d'approfondir le sujet en travaillant non plus sur les enfants, mais, comme vous l'avez dit en rappelant le titre de ce livre, sur les adolescents. Car je pense qu'il y a vraiment une différence importante de nature dans la forme de l'expérience entre celle des enfants massivement cantonnés à l'arrière et celle des adolescents massivement cantonnés à l'arrière aussi, mais pas tous. Pas tous, c'est ces enfants-là, ces adolescents-là qui nous intéressent, des adolescents au combat 1914-1918. Et pour nous parler également de cette guerre enfantine, Nicolas Patin, bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas, vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et vous, et c'est intéressant que vous soyez ce matin avec nous, vous portez un regard sur un personnage étonnant, Kruger, un bourreau ordinaire. Sur la couverture de cet ouvrage chez Fayard, nous comprenons tout de suite en voyant la croix gammée que nous sommes face à un nazi et vous avez retracé son parcours. En quoi la Première Guerre mondiale est intéressante quand on parle de guerre enfantine avec ce personnage de Kruger? Ce qui est important, c'est, comme l'a dit Manon, en France, on a une historiographie, enfin une manière de faire l'histoire tournée autour de la culture de guerre, ce qui n'est pas totalement la même chose en Allemagne. On a moins réfléchi sur ces questions-là, les collègues allemands et puis ceux qui travaillent sur l'Allemagne. Et la question, en fait, elle va souvent venir du nazisme, de l'histoire du nazisme, pour se poser la question de savoir comment la Première Guerre mondiale a pu être une cause de radicalisation extrême, de fanatisme pour ces gens-là. Et donc on a un certain nombre d'adolescents de 16, 17 ans. Je pense que Manon reviendra sur qu'est-ce qu'un adolescent à l'époque. C'est pas tout à fait la même définition qu'aujourd'hui. Et des enfants aussi, où clairement on a une sorte d'origine de l'engagement dans le nazisme au sein des tranchées. Nous allons parler de tout cela pendant notre émission Le cours de l'histoire. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure également la programmation de cette émission. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, mettons-nous tout de suite dans l'ambiance avec Germaine Montero, sublime chanteuse qui avait 5 ans en 1914 et qui, bien plus tard, a repris un titre phare de la culture populaire mais qui explique en partie la Première Guerre mondiale. En quoi nos fils quitteraient nos chaumières? Et quoi nos fils quitteraient leurs chaumières et s'en iraient grossir nos régiments pour égorger la France, notre mère. Vous armeriez le bras de ses enfants. Ah, vous pouvez leur confier des armes, c'est contre vous qu'elles leur serviront. Le jour où là, de voir couler nos larmes pour nous venger, leurs bras se lèveront. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine par Germaine Montero. Dites-nous, Manon Pignot, cette ambiance guerrière date d'avant le début des hostilités en 1914. Voilà des décennies que les enfants, j'allais dire, sont formatés, pour utiliser un mot facile, dans un esprit guerrier. Oui, absolument. Alors, je dirais pas formaté, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les cultures de guerre, puisque dans chaque pays belligérant, se développent ces représentations spécifiques pendant la Grande Guerre, les cultures de guerre n'apparaissent pas ex nihilo. Elles sont profondément liées aux cultures nationales préexistantes. Donc dans le cas français, la culture de guerre en 14-18, elle est nourrie notamment alors d'un patriotisme et d'un nationalisme ancien, mais aussi d'un patriotisme républicain qui s'est bâti, qui s'est élaboré au cours de la Troisième République et qui est notamment diffusé à l'école par le biais de programmes scolaires qui sont délibérément des programmes scolaires patriotiques et républicains, qui ont pour fonction d'ancrer l'amour et de la patrie et de la République dans le cœur des enfants et, comme l'espèrent les fondateurs de la Troisième République, par le biais des enfants, dans la société tout entière. Avec également un esprit militariste, c'est-à-dire que dans l'organisation des écoles, des lycées, on va trouver tout un système de hiérarchie très facile, de médailles, on va retrouver une appétence à la geste militaire. Alors, sans doute, au début, dans les années 1880, tout simplement parce que le souvenir de la défaite cuisante contre la Prusse en 1870-71 est encore très prégnant. Et donc, effectivement, dans la première décennie de l'école républicaine, dans le sillage des lois Ferry, il y a une dimension militariste avec des cours de gymnastique conçu comme une sorte de propédeutique au service militaire, lui-même conçu comme un moment de creuset national. Mais il faut quand même dire que cette dimension militariste s'estompe assez rapidement dès les années 1890, tout simplement parce que la République propose d'autres modèles. Et on dit souvent que le sentiment de revanche est très présent à l'école, la revanche, c'est-à-dire la volonté de récupérer les provinces perdues, c'est comme ça qu'on les appelle, l'Alsace et une partie de la Lorraine. En réalité, cet esprit de revanche, il est bien présent dans les années 1880, et puis il va s'estomper progressivement dans les années 1890, remplacé notamment par une autre thématique très forte qui est le colonialisme, la conquête coloniale. Et c'est vraiment en 1914 un resurgissement, une réapparition de ces thématiques. Donc ce ne sont pas des nouveautés, mais néanmoins on ne peut pas complètement dire que les élèves des années 1900-1910 étaient biberonnés à la chanson « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Voilà, mais avec des effets générationnels, c'est vrai que ça a disparu, mais ça ressurgit facilement vu que tout cela était conservé encore dans les esprits. Absolument, et puis du coup, il faut puisqu'on parle en termes de génération, voilà, les jeunes hommes les adultes qui partent en 1914, qui ont 20 ou 30 ans, sont eux passés sur les bancs de l'école dans les années 1880. Dites-nous, Nicolas Patin, vous avez étudié à travers le personnage de Kruger, c'est ce qui peut se passer en Allemagne au même moment. On parle souvent de l'esprit militariste allemand, de l'impérialisme, enfin une lecture très particulière de la société allemande. Est-elle réelle ? Alors, il y a une partie de caricature assez importante où on a l'impression que dans ces années-là, hein, de la fondation du Kaiserreich en 1871 à la Première Guerre mondiale, tout le monde portait un casque à pointe. Alors, c'est une vision française, hein, évidemment. Pour ce qui est de l'éducation des enfants, il y a eu des travaux hein, sur cette question faits par Rainer Bendick ou une chercheuse française, Bérénice Zunino. En réalité, il y a toujours eu une sorte de symbolique autour de Bismarck et des guerres d'unification des années 1860. Il y a une sorte de révérence au Kaiser, mais ce qu'on peut dire pour notamment la littérature enfantine et les programmes, c'est qu'il y a un héroïsme, il y a une construction de l'aventurier et du soldat viril, qui va aussi pouvoir s'incarner dans la colonisation, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne a aussi eu son triple guillemets aventure coloniale, qui s'est traduit par un grand nombre de massacres. Mais en réalité, on sent que ces représentations, quand la guerre éclate, elles ont une guerre de retard, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les gens n'ont pas pris en compte dans les représentations dominantes les nouvelles armes, ils ne comprennent pas bien ce que va être la guerre à venir, ce qui fait qu'un certain nombre d'adolescents ou de très jeunes hommes vont rentrer en 14 dans une guerre avec des représentations héroïques et vont vivre un choc extrêmement fort par rapport à la réalité de la guerre. Le mot héroïque est essentiel pour analyser ce moment particulier, celui des adolescents au combat. 1914-1918, c'est le sous-titre de votre ouvrage. Magnon Pignot, l'appel à la guerre, ça c'est le titre. L'héroïsme est essentiel, c'est-à-dire que dans ce moment très particulier de l'année 1913, où l'on sent monter les tensions, et évidemment 1914, il y a une lecture héroïque de sa propre existence, même chez ces adolescents. Qui sont ces adolescents ? Parce que la notion d'adolescente est complexe, ils ont quel âge ? Alors, je suis pas certaine qu'il y ait une lecture héroïque de leur propre existence avant la guerre. Je crois que pour ce qui concerne les adolescents que j'ai étudiés, je crois que justement la guerre fournit un contexte inattendu et inédit d'expression d'un certain nombre de valeurs préexistantes. Il faut qu'ils soient entrés en guerre. Moi, j'évoquais vraiment le début de l'année 14, enfin 1913, quand les tensions montent, oui, quand il va falloir sauver le pays. Oui, mais en l'occurrence, les tensions montent. Nous le savons rétrospectivement, mais je crois que si on se place à l'échelle vraiment individuelle des individus et en particulier des jeunes individus, la montée des tensions et la marche à la guerre, elle est indiscernable vraiment par ces jeunes individus. Même le service militaire qui passe à 3 ans. Oui, le service militaire passe à 3 ans, c'est vrai. Non, mais il y a une forme de projection. Mais en l'occurrence, en tout cas moi, dans les sources que j'ai pu trouver, j'ai pas la matière pour répondre à cette question. Alors en revanche, sur la définition de l'adolescence, Nicolas en a dit un mot tout à l'heure, et je crois que c'est effectivement important d'y revenir. Comme d'ailleurs, d'une manière générale, c'est important de rappeler que la Première Guerre mondiale est encore très largement une guerre du 19e siècle. C'est vraiment une guerre charnière, au sens où un certain nombre de représentations, un certain nombre de structures sociales la rattachent encore beaucoup plus au 19e siècle que par exemple à notre société actuelle. L'adolescence, c'est une catégorie qui est en cours de constitution à la veille de la guerre. Le terme existe, adolescence, adolescent, il est employé, mais il est surtout employé, je dirais, dans des milieux entre guillemets spécialisés pour la jeunesse, c'est-à-dire les milieux judiciaires et les milieux médicaux, les pédagogues. Ça n'est pas un terme communément employé dans la société civile, on parlera plutôt de jeunesse plutôt que d'adolescent. Donc c'est une catégorie qui s'est constituée au cours du 19e siècle et elle est liée, bien sûr, à l'allongement du temps de scolarité et au départ. Et donc, elle concerne au 19e siècle d'abord les classes bourgeoises et privilégiées qui ont la possibilité de poursuivre des études. Mais à la veille de la Grande Guerre, cette catégorie, pardon, elle est déjà préconstituée et, pour aller vite, elle va concerner les jeunes gens qui ont entre, disons, 13 ans et 17 ans. En tout cas, ce sont les limites que moi je retiens pour cette étude de l'engagement illégal pendant la Grande Guerre, puisque 13 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire en France, selon les lois Ferry, et 17 ans, c'est l'âge légal pour s'engager comme volontaire dans la guerre. Voilà, 13 ans, 17 ans, c'est vrai que les bornes sont extrêmement logiques. Et bien justement, nous allons écouter un témoignage, enregistré tardivement bien sûr, un témoignage sur l'engagement, celui de Joseph Battle. Oui, il s'appelle Joseph Battle et il nous raconte son engagement, mais dans son catalan natal. Dès l'âge de 8 ans, mon père m'a dit un jour, « Nin, que vous faites en catalan ?»« Nin, que vous faites dans la vie ?» Alors j'ai dit à mon père, j'ai fait la réponse suivante à mon père, « Papa, vous serez soldat. » Parce que si je suis un soldat, si on dit que quelqu'un veut toucher la notre terre, c'est de l'us que l'empêcherons. Je veux être soldat, parce que si un jour quelqu'un qui n'est pas des nôtres veut toucher à notre terre, je serai parmi ceux qui la défendront. Témoignage de Joseph Battle dans le cours de l'histoire sur France Culture. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'expérience enfantine du premier conflit mondial entre désir de guerre et propagande désir de guerre. Justement, ce désir de guerre, vous, Manon Pignot, vous l'analysez de quelle manière ? C'est-à-dire, il doit évoluer au cours du conflit. Mettons-nous au début du conflit. Nous sommes en 1914, la guerre commence. Il y a un désir de guerre de la part des adolescents ? Oui, il est d'ailleurs particulièrement visible au début de la guerre, justement. Et j'ai tendance à penser qu'il s'estompe progressivement au fur et à mesure que la guerre dure pour connaître une sorte de regain en 1918 dans la dernière phase du conflit. Alors ce désir de guerre, il est mixte. C'est-à-dire qu'il a des sources et des origines diverses qui sont, à mon avis, complémentaires et qui s'articulent différemment selon, bien sûr, les individus et les parcours. Il y a d'abord, bien sûr, une explication, je dirais, historique, et nous venons d'en parler, c'est la question de la formation intellectuelle, patriotique de ces jeunes gens, alors républicaine majoritairement dans le cas français, militaro-impérialiste dans le cas allemand, mais il n'y a pas que le cas allemand, hein. Il faut aussi rappeler que, par exemple, pour la Grande-Bretagne, l'impérialisme britannique joue un rôle très important dans la formation intellectuelle des enfants à l'école au cours de la Belle Époque, et donc cette conscience de faire partie d'un grand empire et de devoir le défendre, ça existe aussi, c'est pas l'apanage de l'Allemagne, hein, ça existe aussi en Grande-Bretagne. Donc il y a toutes ces causes-là d'influence qui peuvent être aussi d'ailleurs des influences familiales, hein, dans les adolescents que j'ai pu identifier et retrouver, il y a quand même beaucoup de fils de militaires et de filles de militaires. Donc il y a une culture familiale, une culture nationale, mais je crois que c'est peut-être ce qu'il y a de plus inédit, en tout cas de plus étonnant pour nous, c'est de découvrir que ça ne suffit pas comme raison pour s'engager et qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui va pousser ces adolescents et ces adolescentes. Et que ce quelque chose, eux-mêmes ont d'ailleurs bien du mal à le définir, ils le disent, hein, quelque chose me pousse, dit Noël Vacher, qui a 14 ans en 1915 quand il s'engage au 2e régiment de marche des Zouaves. Et ce quelque chose, c'est ce que j'appelle le désir de guerre, l'appel de la guerre, c'est-à-dire une volonté qui là est moins proprement nationale, qu'au contraire assez universelle, une volonté liée à cet âge-là, qui est un âge de l'entre-deux, de se confronter au risque, éventuellement d'ailleurs à la mort, éventuellement à la possibilité de sa propre mort, et aussi à l'ailleurs, à autre chose. Et c'est pour ça que j'emploie le terme de désir, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'exotisme, entre guillemets, de la guerre. Il ne faut pas oublier que, voilà, en 1914, on se déplace encore peu. Bien sûr, il y a des chemins de fer, et vous le savez mieux que tout le monde, qui sillonnent les territoires nationaux depuis, en gros, le Second Empire. Mais malgré tout, les individus, ils se déplacent encore très peu. Et donc, il y a cette espèce d'aventure, de porte sur l'aventure qui s'ouvre. Et comme le disait Nicolas tout à l'heure, la réalité de ce que va être la guerre de 14, elle n'est connue de personne et certainement pas des jeunes individus qui s'engagent. Donc ils vont partir mus par un certain nombre de désirs différents et complémentaires sans savoir ce qui les attend, sans savoir qu'ils vont se retrouver dans des tranchées, sous un pilonnage d'obus, par exemple. Et donc, ce désir de guerre, il est nourri de représentations héroïques, vous l'avez dit, viriles aussi, mais aussi, aventurières. Aventurière, et d'ailleurs c'est ce qui est vraiment passionnant dans votre ouvrage Manon Pignot, L'appel de la guerre, c'est d'essayer de percevoir ce moment dont on ne peut pas avoir d'explication, où l'adolescent s'engage à la guerre. Alors vous le faites en tant qu'historienne et c'est formidable en croisant ces sources, ces témoignages, mais c'est vrai que on se pose la question, qu'est-ce qui peut pousser un adolescent à partir, un autre à ne pas partir? Il y a mille conditions. C'est ça qui est vraiment passionnant dans ces adolescents au combat. Et justement, nous allons écouter là encore un témoignage, mais sous forme de récit d'archives qu'on trouve. Hein, ce sont des mémoires. C'est le capitaine Charles Carrington qui raconte ses souvenirs de guerre et qui explique un moment où il voit apparaître un jeune garçon. Ce témoignage nous est lu ce matin en direct par Daniel Königsberg. L'homme n'était qu'un garçon que je connaissais depuis l'Angleterre. Je le trouvais tapi contre un tas de craies presque en pleurs. Il avait l'air plus jeune que jamais. « Je ne veux pas y aller », dit-il en se jetant sur moi avec la plus impudique des terreurs. « Je n'ai que 17 ans. Je veux rentrer à la maison. » Les hommes autour évitaient mon regard et paraissaient plus compatissants que dégoûtés. « Je ne peux rien y faire pour le moment », répondis-je d'une voix sévère. J'avais moi-même 19 ans et 3 mois. « Il fallait y penser avant de t'enrôler. N'as-tu pas dit que tu avais 19 ans ?» « Si, monsieur, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas tout à fait 17 ans, monsieur. »« Eh bien, c'est trop tard maintenant, » dis-je. « Tu vas devoir passer au travers, et je ferai ce que je pourrai quand on en sera sorti. » Je lui tapai sur l'épaule, et il sembla reprendre courage. Témoignage du capitaine Charles Carrington qui, ce matin, était Daniel Königsberg. Merci mon capitaine. Dites-nous Manon Pignot, quand on entend ici cette terreur en fait d'un jeune homme face au combat, il y a un contraste saisissant avec tout ce que vous nous avez dit de très juste, l'héroïsme, l'attrait pour l'aventure et puis la réalité. Ce choc est fulgurant. Oui, absolument. C'est le choc du baptême du feu. C'est le moment, le point de rencontre, on pourrait dire, entre la guerre rêvée, la guerre imaginée, celle qui les a poussés à partir, et puis la guerre réelle, dans toute son effroi et dans toute sa terreur. Et d'ailleurs, je voulais juste préciser, en réécoutant ce témoignage si merveilleusement lu, que la plupart des adolescents, je le dis pour nos auditeurs, ne cherchent pas à partir. Et la plupart de ceux qui cherchent à partir n'y parviennent pas. Ils sont interceptés. Donc pour ceux qui arrivent à se glisser entre les mailles du filet, il se passe quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'ils sont accueillis. Ils sont d'une certaine manière recueillis par les hommes du front qui vont... même quand ils ne sont pas tellement plus âgés qu'eux, on l'entend dans le témoignage, les protéger et jouer en quelque sorte le rôle de père de substitution. Et effectivement, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs récits, toute la montée au front, y compris avec la violence que cela peut suggérer, hein, de bombardements, etc., n'est pas encore forcément un moment de prise de conscience. C'est vraiment le baptême du feu. Il y a un moment où c'est le baptême du feu et où cette espèce d'inconscience de la jeunesse s'évapore pour laisser place à une peur réelle. Et ça n'est pas forcément d'ailleurs le premier combat. Ça peut être... un combat parmi d'autres qui ressort. Et tout à l'heure, je citais l'exemple de Noël Vacher, parce qu'il se trouve qu'il a laissé en 1922 un récit très étayé de son expérience de guerre, donc on a beaucoup d'informations. Et Noël Vacher, qui s'engage donc en 1915, qui va suivre les Zouaves, le 2e régiment de Zouaves, dans plusieurs campagnes, en Champagne notamment, tout au long de l'année 15, finalement, va bien supporter. Et sa confrontation au combat ne va pas spécialement entamer sa confiance et notamment son sentiment d'immortalité. Et c'est au moment de Verdun, et il le dit lui-même, vraiment, pour lui, Verdun, c'est le moment du choc, exactement d'ailleurs, un peu dans les mêmes termes que les termes employés là, le moment de l'effondrement psychique. Et c'est le moment où où il le dit, il a peur. Il a peur. Et c'est une peur concrète, réelle, et c'est donc une peur d'homme. Nous entendons ce que vous dites, Manon Pignot, sur ces adolescents au combat, donc ceux qui ont quitté l'école au-dessus de 13 ans et ceux qui n'ont pas encore les 17 ans nécessaires pour s'engager de manière officielle, ceux qui, malgré tout, arrivent à rejoindre les troupes combattantes. Dites-nous, Nicolas Patin, vous avez étudié un Allemand, Kruger. Kruger, lui, n'est pas adolescent. Friedrich Wilhelm Kruger a 20 ans en 1914. Et pourtant, nous sommes avec la même lecture, en fait. Quand vous étudiez le cas allemand, ou quand on écoute ce que dit Manon Pignot, on trouve des tas de similitudes. Alors effectivement, c'est drôle parce qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup sur les types de changements dont Manon vient de parler avec la confrontation réelle à la guerre et des petites différences. Alors en Allemagne à l'époque, il y a des mouvements de jeunesse très importants, peut-être plus importants qu'en France, comme les Wandervögel, les oiseaux migrateurs, les unions de jeunesse bourgeoise. Je pense que la grande différence, c'est qu'en France, le territoire national est attaqué. Alors qu'en Allemagne, il a fallu toute la force de l'idée d'une guerre de défense, Verteidigungskrieg, d'une guerre de défense face à l'encerclement des puissances, pour motiver les troupes. Et du coup, je pense que les Allemands sont peut-être moins sûrs, les soldats allemands sont peut-être moins sûrs de ce qui se passe quand ils s'engagent. Alors, les engagés, ils s'engagent de 18 à 44 ans. Ça n'empêche qu'effectivement, on a des très jeunes hommes, des adolescents, des jeunes, qui vont s'engager pour les mêmes raisons, c'est-à-dire une envie d'aventure, une envie de mobilité. C'est très important, hein. Les choses cohabitent. On peut en même temps avoir été terrorisé tout le long de la guerre, avoir ressenti la terreur du baptême du feu et de la guerre industrielle, et en même temps vivre des moments d'aventure dont il ne faut jamais oublier pour l'Allemagne que cette aventure se joue sur plusieurs fronts. C'est-à-dire, moi j'ai lu plein de témoignages de soldats qui arrivent en Macédoine, qui découvrent, alors qu'à l'époque les mobilités en Allemagne se faisaient pour les jeunes durant leur scolarité, surtout sur le territoire allemand, ce qu'on appelle compagnonnage, etc. Et là, tout d'un coup, on a des Allemands de 19 ans, 18 ans, 20 ans, qui découvrent la Macédoine, donc c'est les Balkans, qui voient des tortues pour la première fois de leur vie, qui vont jusqu'en Ukraine, qui vont dans les lacs de Mazurie. Et donc, même quand il y a eu le choc de la guerre, même quand il y a eu le choc des blessés de cette guerre qui traumatise les corps, il y a quand même une matière pour certains à s'émerveiller. Le terme est compliqué, mais on pourrait le dire, à s'émerveiller de vivre cette espèce d'époque épique. Alors attention, évidemment, on ne peut pas parler pour tous les jeunes, puisque dans le même temps, j'avais lu d'autres témoignages où d'autres disaient « bon ben moi je suis allé à l'armée parce qu'on mangeait mieux, la ration était meilleure », ou d'autres quasiment qui disaient qu'ils avaient été forcés à y aller. Donc ça cohabite toujours un peu, mais on retrouve chez les plus jeunes cette idée que la guerre fournit une raison de vivre. Et c'est assez compliqué à analyser, d'autant plus qu'on n'a pas un livre comme celui de Manon pour l'étude de l'Allemagne. Manon Pignot. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Nicolas Patin, parce qu'effectivement, on a un petit peu tendance à toujours penser aux tranchées du front occidental, mais il faut penser aux autres fronts. Et parmi les cas que j'ai essayé d'étudier, il y a le cas d'un Allemand qui s'appelle Rudolf Höss, dont Nicolas parlera certainement bien mieux que moi, qui est connu pour avoir été le commandant d'Auschwitz, mais qui, avant d'être le commandant d'Auschwitz, a aussi été un adolescent dans la guerre, orphelin, et qui s'engage à l'âge de 15 ans et qui se retrouve en Palestine. Et il y a effectivement dans les mémoires de Höss, des des descriptions, alors à la fois très violentes, hein, de l'affrontement et du combat, mais aussi des descriptions presque oniriques du spectacle qui se déploie sous ses yeux. Et c'est vrai que, alors le cas de Eus est un peu emblématique et un petit peu particulier, mais il faudrait arriver à non pas oublier qu'il est ensuite devenu le commandant d'Auschwitz, mais ne pas non plus tomber dans une espèce de prédictabilité de l'expérience. Hein. Juste pour en tirer une espèce de signe d'égalité, parce que tous les adolescents qui se sont engagés dans la guerre ne sont pas tous devenus, n'ont pas tous rejoint des corps francs, ne sont pas tous devenus des fascistes ou des nazis. Mais c'est vrai que pour le cas allemand, il y a ces organisations de jeunesse, qui sont des organisations de jeunesse plutôt urbaines et plutôt fréquentées par la classe, les classes moyennes et supérieures, mais qui vont servir de sas à ce désir de guerre, parce que ce sont pour certaines des organisations de jeunesse vraiment paramilitaires, ce qui n'existe pas en France. Il y a les scouts qui seraient une organisation, mais qui n'a pas vraiment de rapport dans la militarisation. Alors, oui, d'autant plus que le scoutisme n'est pas encore très développé en France avant la guerre de 14, il se développe justement massivement à partir des années 20 en France. Hein. Le scoutisme, c'est un mouvement qui est très présent en Grande-Bretagne avant la guerre de 14, et pour cause, c'est là qu'il est né. Mais pour ce qui est de la France, les effectifs du mouvement scout à la veille de la Grande Guerre sont vraiment de quelques centaines, voire de quelques milliers. C'est vraiment dans les années 20 que le mouvement scout prend son envol en France, nourri d'ailleurs en partie du souvenir de la Grande Guerre et de cette thématique de la camaraderie. Bien justement, Manon Pignot, il faut évoquer cette camaraderie parce que, on le voit bien, pour les adolescents en guerre, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. La guerre, c'est du voyage. La guerre, ça peut être de l'aventure. Et la guerre, c'est aussi de la camaraderie. L'occasion de faire un petit clin d'œil au comique Troupier avec Bidas, une chanson créée par Bach en 1913, des paroles de Louis Bousquet et celui qui l'interprète là, ce matin, dans le cours de l'histoire. C'est Fernandel. Quand je suis parti avec ma classe pour venir y faire mes 3 ans, cousin m'a dit, il y a le fils Bidas qui va dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait ce que m'a dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Bidas est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun sa permission. Ah, avec l'ami Bidas, on se quitte jamais. Attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne et les bras ballants devant les monuments. Dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le temps. Dimanche matin, il y a des bobonnes qui s'en vont faire leur marché. Nous, on en connaît de mignonnes, on va les regarder passer. Pendant qu'elles sont chez la fruitière, de l'autre trottoir, nous les regardons. Puis de loin, sans en avoir l'air, on les suit jusqu'à leur maison. Elles se méfient pas, elles n'y voient rien. Ça fait comme ça, on s'amuse bien. Avec l'ami Bidas, une chanson de 1913, en l'occurrence, nous l'écoutons chantée par Fernandel dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Déborah Dagobert et les équipes techniques de France Bleu Gironde. Nicolas Patin, dans votre cas, c'est le cas Kruger, c'est un personnage extraordinaire, vous vous trouvez avec une documentation fascinante d'un jeune homme, il a 20 ans, en 1914. Qu'est-ce que nous apprend ce cas Kruger? Oublions, ne faisons pas de téléologie, oublions qu'il est devenu nazi. Que savons-nous de ce jeune homme dans la Première Guerre mondiale? Alors Kruger, effectivement, c'est un cas qui est intéressant aussi par les sources dont on dispose, puisque j'ai eu la chance, grâce à une bourse de recherche, de retrouver non seulement la correspondance qu'il a entretenue avec ses parents pendant plus de 15 ans, mais aussi ses journaux intimes et ses journaux de guerre. Il entre à l'école des cadets, il est très jeune, il a 13 ans, on sent que c'est quelque chose de compliqué. Les cadets, c'est un corps d'élite militaire allemand, qui a été fréquenté par un grand auteur qui est Ernst von Salomon, hein, qui en livre un descriptif dans son livre, Les Cadets, et où on voit cette école où, dès 11-12 ans, on boit énormément d'alcool, on fume des cigarettes en tant que jeune recrue pour montrer sa virilité, pour sculpter un esprit de corps. Et tout de suite, ça, von Salomon le dit dans son livre, il voudrait mourir devant Paris, et ça pose la question de... cette formation idéologique dans cette école spécifique, mais aussi plus largement dans la société allemande de l'époque, et la question de la propagande de guerre, dont il est toujours difficile de savoir en quelle mesure elle impacte quelqu'un. Pour ce qui est de Krüger, il fait ses classes, il écrit quelques lettres à ses parents, mais j'en ai assez peu, et puis dans son journal intime qui commence en juillet 1914, il écrit son envie d'aller à la guerre, où il lit les listes des appelés, etc. etc. Et puis très rapidement, le 5 août 1914, son père, qui était militaire et qui s'est engagé malgré son âge, est tué sur le front, au même endroit là où son fils se bat. Et c'est un traumatisme, c'est une sorte de double traumatisme, c'est-à-dire la confrontation avec la guerre moderne, et puis la mort du père. Il a une toute petite permission au bout de 2 semaines pour aller voir le... Alors vous imaginez bien que l'armée allemande avance de 80 km par jour, donc il n'y a pas de cimetière, il y a une tombe, un morceau de terre qui recouvre le corps de son père. Et donc dès ce moment-là, Krüger va commencer, j'ai envie de dire, à passer les cercles de l'enfer, les uns après les autres. Le baptême du feu pour lui à la fin août, qui est un massacre, il est d'ailleurs blessé. Et puis petit à petit, il s'endurcit, il va se transformer, dans son journal intime, on le voit, en ce qu'il appelle lui-même un Frontschwein, un cochon de tranchée. Et il n'y a pas de traduction en français, parce que ce ne serait pas un poilu. Un poilu, oui, c'est un soldat aguerri, mais qui, dans notre culture française, donne un peu l'impression, enfin, et légèrement, j'ai l'impression, connoté de manière antimilitariste. Il y avait un terme en français aussi qui était le PCDT, le pauvre couillon des tranchées. Mais là encore, c'est antimilitariste. Ah oui, là, c'est complètement antimilitariste. Le Frontschwein, c'est vraiment... C'est Ernst Jünger. C'est l'auteur de Orage d'acier, qui va être un des grands romans plutôt nationalistes de l'après-guerre allemand. C'est les 14 blessures, quelqu'un qui n'attend plus rien. Et... quelque chose s'est cassé, en fait. Il n'y a plus cet héroïsme d'avant-guerre, il n'y a plus cette croyance. Jünger le dit, mais Krüger le dit, et beaucoup d'autres le disent avec eux, c'est cette génération du front. Il n'y a plus que le combat. Peu importe la mort, peu importe la camaraderie, peu importe les sacrifices, il y a le combat. Il y a le combat face à la puissance industrielle, qui est le seul horizon au bout de 4 ans et demi de guerre. Krüger, par exemple, a très peu de permission. Il fait 51 mois de guerre. Et à un moment donné, dans son journal, il dit « je vais en permission ». Et en fait, j'ai retrouvé dans ses actes médicaux, en fait, il est en neurasthénie, c'est-à-dire qu'il fait une dépression, un choc traumatique. Donc, on a cet endurcissement et on peut pas simplement le jeter d'un revers de la main, parce que 75 millions de soldats européens sont passés à travers ce que Jünger appelle l'école de la violence, l'école de la guerre, et ça va laisser évidemment un legs de violence très important. Alors, comme le disait Manon tout à l'heure, en revanche, ça ne veut pas dire que tout le monde derrière est sorti de cette guerre en étant militariste, en étant d'extrême droite, etc. Il y a beaucoup de gens qui, au contraire, en sont sortis avec un idéal pacifiste et antimilitariste chevillé au corps. Oui, il faut le souligner sans cesse, parce que l'on pourrait avoir une lecture très simple de dire le traumatisme et la violence de la guerre ont entraîné les fascismes. La situation est évidemment beaucoup plus complexe et liés à des individus. Nous venons d'entendre avec Nicolas Patin le cas de Friedrich Wilhelm Krüger, donc du côté allemand. Nous voyons qu'il y a tout un rapport au père complexe, la mort du père. Manon Pignot, vous, dans votre regard global sur l'appel de la guerre des adolescents au combat 1914-1918, vous retrouvez ce rapport au père ou au frère ou aux morts au combat? Oui, absolument. La toute façon, dans les expériences enfantines et juvéniles de la Grande Guerre, les pères occupent une place centrale pour les enfants, les petits, qui restent à l'arrière, il y a cette expérience de la séparation, parce que dans leur cas, dans le cas des petits-enfants, ce sont les pères qui partent combattre. Dans le cas des adolescents, il y a effectivement, enfin en tout cas moi, dans les cas que j'ai pu identifier vraiment, et surtout dans les parcours que j'ai pu reconstituer, il y a toujours une place spécifique pour la figure paternelle, soit qu'elle soit déjà tombée elle-même au combat, soit qu'il s'agisse d'un père qui militaire, officier, dont on voudrait se montrer digne, soit au contraire qu'il s'agisse d'un père défaillant, dont on veut sauver l'honneur en le remplaçant d'une certaine manière et en gagnant le front, mais c'est effectivement une figure très très prégnante. Et pour rebondir sur ce que disait Nicolas Patin à l'instant, je crois que oui, cette thématique de l'endurcissement dans la confrontation quotidienne et prolongée au combat et à la violence de guerre, cet endurcissement que Nicolas a identifié pour Kruger, c'est une thématique que l'on retrouve aussi pour les adolescents. Et je pense notamment aux témoignages que j'ai pu retrouver pour le front russe, avec un certain nombre de témoignages, par exemple je pense à celui d'un instituteur vraisemblablement pacifiste, engagé, alors lui est mobilisé, à qui on n'a pas demandé son avis, qui est parti, et qui est confronté à quelques jeunes garçons dont la violence l'effraie, et donc qu'il trouve insensibles, sans cœur, qui vont notamment, après avoir fait le coup de poing dans la tranchée adverse, jouer avec, s'amuser avec les cadavres de l'ennemi, etc. Donc qui sont vraiment des pratiques de violence extrême, hein, profaner le corps mort de l'ennemi, bon. Mais encore une fois, il interprète ces gestes de très grande violence comme le signe d'une espèce de dégénérescence, quoi. Ils sont vraiment totalement bouffés par la violence, alors que eux, les revendiquent ces gestes, eux, je veux dire les adolescents, comme le signe qu'ils sont des soldats à part entière et des hommes à part entière. Manon Pignot, j'ai bien entendu que vous expliquiez que ce désir d'héroïsme est universel, et c'est vrai qu'on va le retrouver dans les différents camps, que cette confrontation à la violence de la guerre est universelle. Et justement, parmi les témoignages, nous allons écouter celui de Philippe Soupeau, poète, père du surréalisme, qui, en 1963, à la radiodiffusion française, se souvenait de sa jeunesse, de ses 400 coups. Je dois vous dire que, à cause des événements, les gens de ma génération ont sauté de l'enfance à la jeunesse. J'ai été mobilisé à 16 ans. Et quand je suis sorti de la guerre, c'est-à-dire, si vous voulez, en 1918, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle maintenant une fureur de vivre. Et à mon avis, il y a une chose qui traduit très bien cette fureur de vivre, ce qui explique son succès prodigieux, beaucoup plus que le twist, et beaucoup plus profond, ça a été le Charleston. Et le Charleston a représenté, si vous voulez, cette espèce de joie, de la délivrance, de la guerre. Et je dois dire que je suis persuadé que le Charleston traduit bien cette espèce de frénésie que nous avions. Philippe Soupeau, en 1963, qui évoque la frénésie d'après-guerre. Nous avons bien entendu ce que vous disiez l'un et l'autre, Nicolas Patin, Manon Pignot. C'est vrai que le fait d'avoir connu la violence de la guerre n'explique pas de manière mécanique que certains s'engagent dans le nazisme. D'ailleurs, le cas de Soupeau est différent. Est-ce qu'il y a une intensité de vie après-guerre pour ces adolescents qui ont connu la guerre? Mais oui, mais je crois que cette intensité, c'est d'une certaine manière, c'est la même que celle du début de guerre. Le mot qui revient le plus souvent dans les témoignages que j'ai collectés, c'est en 1914, c'est le terme d'excitation. Et là, Philippe Soupeau, pour l'après-guerre, évoque la frénésie. Et je crois que qu'il s'agisse d'une frénésie pour continuer à combattre comme une petite minorité dans les corps francs et dans les guerres civiles d'après 1918, ou au contraire d'une frénésie de joie, de vie dans le monde redevenu en paix, ça renvoie quand même à ce moment très particulier dans la vie d'un être humain, qui est ce moment, encore une fois, je reprends les termes de la psychanalyse, hein, de l'entre-deux et du risque. Et voilà, il suffit de juste chercher dans ses propres souvenirs et se souvenir comment on est quand on est adolescent. On ne fait pas les choses à moitié. Et vous, Nicolas Patin, en étudiant ce cas Kruger, évidemment, vous vous posez la question, pourquoi il va vers le nazisme? Est-ce que son engagement dans la Première Guerre mondiale est une explication qui vous semble majeure? Alors, je pense que ce que vous disiez, Xavier, c'est de dire la guerre n'explique pas à elle seule l'engagement. C'est la grande, grande différence, c'est vraiment un truisme de le rappeler, entre l'Allemagne et la France, c'est la défaite. C'est-à-dire qu'il va y avoir pour ces jeunes, qu'ils soient engagés dans la guerre ou qu'ils l'aient juste regardé à travers leurs yeux d'enfant, il va y avoir un traumatisme énorme qui est que cette guerre est perdue. Et là, on assiste à un effet décalé où vont émerger dans l'Allemagne de l'époque, qui est l'Allemagne tout récemment républicaine, celle de la République de Weimar, hein, la révolution allemande va donner lieu à un nouveau régime, on a des très jeunes hommes, des adolescents qui vont s'engager dans des milices paramilitaires qui sont les corps francs. Et là, voilà, il y a un effet où on retrouve cette excitation peut-être qui était celle d'une partie de la France en 14 chez des jeunes Allemands. Pour ce qui est des années 20, ce qui est très intéressant en Allemagne, ce qui rend cette période fascinante, c'est qu'elle est tout à la fois. Elle est en même temps la défaite, l'extrême droite, l'ultranationalisme, et comme ce qu'on vient de voir avec l'extrait musical, une volonté de fuir les 4 ans et demi de guerre dans une pratique artistique, une pratique des plaisirs, une pratique de la libération sexuelle énorme. À l'époque, si Paris est la capitale littéraire de l'Europe, Berlin est la capitale pour tout le reste, la peinture, le Bauhaus, les nouvelles musiques, etc. Et on a évidemment un patrimoine visuel de tout ça autour des œuvres de Max Beckmann, de Otto Dix, de la Neue Sachlichkeit, la nouvelle objectivité, qui peignent ces années de dèche et de luxure magnifique qui vont permettre dans le même temps d'oublier, de fuir la guerre, mais dans une fuite inespérée, et en même temps de ne pas réussir vraiment à solder cette expérience de guerre et cette défaite. Et du coup, on retrouve... Oui. Non, j'allais dire, cette expérience de guerre, hein, dont il faut rappeler l'ampleur, ces adolescents dans la guerre ont été confrontés à une violence inimaginable, ils ne pouvaient pas l'imaginer, personne ne pouvait l'imaginer sur un temps qui est très long, c'est sur plusieurs années. Et évidemment, cette violence-là se poursuit après-guerre. Vous savez, c'est quelque chose qui pose problème pour comprendre ces années complexes de l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qu'il se passe? Cette violence de guerre est toujours prégnante, le fait d'avoir connu cette violence-là? Pour moi, il y a une citation, non pas qui résume tout, ce serait orgueilleux, mais que j'adore, c'est le livre, tout le monde le connaît, ou presque, Erich Maria Remarque, « À l'Ouest, rien de nouveau », qui sort en 1929 et qui est ensuite adapté au cinéma par Lewis Milestone en 1930. Bref, pour nous, c'est le parangon du livre pacifiste, c'est un des livres qui s'est le plus vendu sur la Première Guerre mondiale, etc. À un moment donné, le héros principal, si on peut dire, Paul Bäumer, dit à cette phrase-là, de mémoire, hein, pendant des années, nous n'avons été occupés qu'à tuer. Ça a été notre première profession dans l'existence. Notre science de la vie se réduit à la mort. C'est très fort. C'est-à-dire que même chez un Remarque, il y a ce legs de la violence de guerre dont on n'a pas pu refermer le sacrifice à travers une victoire. Merci. Parce que excusez-moi, Nicolas 14-18, Patin, ouais. Voilà, 14-18, non mais ce 14-18 explique l'entre-deux-guerres, qui explique la Seconde Guerre mondiale. Et là, à partir de ces adolescents au combat, nous tirons des fils qui expliquent globalement le XXe siècle. Merci beaucoup Nicolas Patin, Kruger, Merci. Un bourreau ordinaire, chez Fayard et Manon Pignot. Merci à vous. Merci. L'appel de la guerre des adolescents au combat 1914-1918 aux éditions Anna Mossa. Mais il est l'heure maintenant, dans le cours de l'histoire sur France Culture, d'emprunter un autre chemin, celui qui nous conduit jusqu'à Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour. Bonjour à tous. Mais serait-ce l'hiver, dans l'automne qui est là et la voix qui va avec. Mais si, ça va, ça va. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, retour sur un prix littéraire, Miss Islande. Ah bah oui, il fait froid en Islande. Prix Médicis 2019. Il fait pas si froid que ça. Miss Islande, traduit par le talentueux Eric Bourri, a remporté le prix Médicis étranger et c'est bien mérité. Son autrice, Ozurava Olafsdottir, nous y emmène aux côtés de son héroïne dans le Reykjavik des années 60. Éclat tient son nom d'un des volcans les plus éruptifs d'Islande et une verve littéraire que lui jalouse son fiancé, pourtant surnommé le poète. Il a le droit, lui. Son inacceptable talent peine à passer les portes des maisons d'édition. Dans ces années, les femmes n'écrivent pas si ce n'est en cachette. Elles cuisinent, elles enfantent, elles nourrissent la nation et ceux qui ont le monopole de la création littéraire, comme Isée, l'amie qui enchaîne les grossesses et cache le cahier où elle écrit dans un seau en plastique qui voisine les paquets de farine. Ozurava Olafsdottir. C'était un monde dirigé par les hommes, très patriarcal et conservateur. Et l'idée du poète était masculin. L'écrivain s'accordait au masculin en islandais. Donc il n'y avait pas de place pour une femme. L'Islande des années 60, c'est une île isolée, perdue entre l'Atlantique et l'Arctique, où les touristes ne se déversent pas encore par millions chaque été. On y suit les soubresauts du monde à distance, l'oreille collée à son poste de radio. L'Islande vit sa brutale rencontre avec la modernité et la société de consommation, à peine sortie des temps sombres où les Islandais subsistaient du troc de tout ce qui leur manquait, contre un déluge de poissons, de peaux de moutons, de chaussettes et de moufles tricotées à la main. Ozur Ava Olafsdottir fait le portrait d'une jeunesse avide de dépaysement, mais jalouse de son patrimoine littéraire. Car cette nation minuscule, depuis 1955, ne cache pas sa fierté d'avoir vu l'un des siens recevoir un prix Nobel de littérature. Halldór Laxness avec La cloche d'Islande et son prix Nobel, un prix si énorme pour une île si petite, peuplée de 200 000 habitants. L'auteur primé est devenu le refondateur de la fierté de l'Islande, indépendante du Danemark depuis 1944 seulement. Après 8 siècles de colonisation, elle accueille depuis un si grand nombre de soldats américains, vigies de la guerre froide, que certains considèrent cette présence étrangère comme une occupation. Laxness est son prix si prestigieux. Laxness, invité aux quatre coins du monde, est devenu la boussole des aspirants écrivains. La barrière est le niveau de l'écriture et d'un mode de vie désirable. Si Laxness n'a pas de chat, est-il sage d'en adopter un? Dans l'univers de Miss Island, les garçons caressent le rêve de devenir Laxness, mais pour les filles, le parcours est fléché différemment. Pour circuler à travers le monde, vous serez hôtesse de l'air ou reine de beauté. Telle est la proposition insistante offerte à Ekla lorsqu'on lui refuse de publier son premier roman trop différent, trop dérangeant. Ekla invente une autre vie, devient une épouse alibi et signe d'un nom masculin s'il le faut ses manuscrits qu'elle ne veut pas voir mourir sur une étagère. Peu importe les moyens employés pour pouvoir continuer, l'Islande n'est pas qu'un territoire de polar, la poésie résiste à y faire sens et y réussit très bien. Merci beaucoup Anaïs. Miss Island, donc c'est de Ódur Ava Olafsdottir. Bravo. Merci beaucoup. Tous les liens et les informations utiles à retrouver sur la page du journal de l'histoire franceculture.fr. Le cours de l'histoire est une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudes, Camille André et Alice Rouet. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire. Mais oui, venez, franceculture.fr ou bien en podcast. Demain, toujours dans nos regards portés sur la Première Guerre mondiale, le désir de neutralité, un petit coup d'œil vers les États-Unis et un petit coup d'œil vers les Suisses.